Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue à cette édition des Palmarès C'est fou pour la semaine du 26 mars au 1er avril 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, Jasmine Raymond-Drainville. Oui, bonjour Jasmine qui est de retour. Je suis de retour. Officiellement. Oui. On peut dire ton nom et tout. Jasmine Raymond. On peut dire mon nom, oui, je suis là. Super. Car la semaine passée, j'étais à Montréal. Ça a bien été pour la grève? C'était fantastique. Il y en a une autre qui s'en vient dans les prochains jours. J'ai entendu 4, 5. Des manifestations et non des grèves. Il y a des associations qui sont en grève présentement. Excuse-moi, oui. Mais il ne faut pas mêler les termes. Ben non. Mais non, il y a plusieurs actions qui s'en viennent, donc... Niveau courant. Ben, c'est ça. Niveau courant. Voilà. On n'est pas une émission qui informe ici, les Palmarès. Non, mais vous pouvez écouter les chroniques d'Anne-Julie Durocher. Oui, tous les... mercredis matin pour vous tenir au courant. À 8 heures, hein? C'est ça. 8 heures, c'est... Oui, 8 heures. C'est ça, 8 heures. Ben oui. Ben oui. J'ai dit n'importe quoi une fois déjà, plutôt dans la phrase ou dans le paragraphe. Fait que celle-là, c'est correct, ça. C'est moi qui étais dans le champ. Et voilà. Donc aujourd'hui, à l'émission Les Palmarès C'est fou, on se divertit en écoutant le top 40, les 20 meilleures pièces francophones et les 20 meilleures pièces anglophones de C'est fou. On va avoir là-dedans de nouvelles entrées de Marie-Pierre Arthur, Malajube, Lisa Leblanc, Islands, Plants and Animals, Los Campesinos, Casabian et Zeus. C'est beaucoup trop de nouvelles entrées, mais on va durer ça pendant au moins... Mais c'est jamais trop! Il n'y a jamais trop de musique. Jamais trop! T'as tout à fait raison. On va aussi avoir dans l'émission d'aujourd'hui Drop the Bass avec DJ Catardi et les instants classiques d'assemblage requis. On va savoir si nos numéros 1 sont toujours Fanny Bloom avec Parfait Parfait et Set the Whale avec We Are 1980. On débute avec une première de nouvelles entrées. C'est la 20e place francophone. C'est Dumas avec la pièce Souvenir en mitraille. J'étais une fan de Dumas. Je l'aime bien, moi. Non? Mais j'ai pas encore... honnêtement, je viens d'apprendre à l'instant qu'il avait sorti un nouvel album. Ah oui? Donc, je vais aller écouter ça avec grand plaisir. Ma solitude est infinie. Plus je pense me rapprocher, plus je m'éloigne. Comme une course sans fin au bord d'un ravin. Sentir ma main dans ma main. Des saisons à mesurer ton départ en tira des millions d'années. numéro 20. Nouvelle entrée. On ne fait que commencer les nouvelles entrées dans cette édition des Palmarès. Il faut, on a entendu 4 de suite, et ça, c'est Kazabian avec Days Are Forgotten du côté anglophone en position numéro 19. Et en position numéro 19 du côté francophone, c'était Cerveau Ramolli de Lisa Leblanc. Mm-hmm, avant ça, on a eu les 20e places. En anglo, c'est Zeus. J'adore cette pièce-là depuis la première écoute. On l'a fait jouer quelques fois à son âge requis. C'est Are You Gonna Waste My Time sur l'album Bursting Vision. Et du côté francophone, Dumas avec Souvenir en mitraille. Oh que oui! Nouvel album, L'heure et l'endroit, qui à date commence très bien. Oui, j'aime ça. Très, très bon. Il nous reste plusieurs autres blocs de nouvelles entrées. Le prochain commence de façon tellement excitante. Je suis assez énervée. Une pièce qu'on n'a jamais entendue encore de Malajube. C'est Malajube avec Œil pour œil. On écoute ça, puis on se gâte. Hein? J'ai vraiment hâte. Portez attention, parce que c'est pour la première fois assez fou. J'espère, en tout cas, sûrement. Peut-être. Bon, je une chance pour vous que vous n'entendrez pas mes réactions en direct. On laisse les micros ouverts tout le long, OK? Ouais. Oh, wow! Oui. recette assez fou pour l'écouter. 89.1. Numéro 18. Of my face reflected in the windscreen pane, throwing insults and calling names, filthy SMSs that you send through the day. By sundown, become tame. So I set it in motion again. Fade to cool, mistress girl, the prettiest in the world. She dresses loosely in a bathrobe with her hair up in curls. 'Cause we were kissing for hours with hands in my so she could not contain herself. Suggest we go back to her house. Here it comes, this is the truck. She vomits down my rental tux. I'm not sure if it's love anymore, but I've been thinking of you fondly for sure. Remember what your heart is for. Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien un retour pour cette pièce de Las Campesinos, By Your Hand, par demande, à la demande populaire. J'ai fait la même erreur tantôt en te le disant en personnel, hors micro. C'est à la demande générale, il faut dire. Hein? Qu'est-ce que t'as dit tantôt? J'ai dit par demande générale, ça n'a aucun sens. M'en souviens pas. Eh ben. J'étais trop contente que ça revienne. Ben c'est ça, crime, tout le monde a capoté, ça devait être en position sûrement 25-26, là, dans les positions qu'on ne joue pas de notre palmarès fictif, là, t'sais, en bas de 20, mettons. Puis le pouf! Oups, il est revenu! Position 18 de, sur leur album Hello Sadness. Et on se rappelle que la précédente pièce, Songs About Your Girlfriend, venait de nous quitter il y a quelques temps de cela. Eh oui. Tu l'as entendu avant ça? On a entendu Malajube. Hey! Ouais, avec une nouvelle pièce qui s'intitule Œil pour œil. Ça, c'est tout nouveau. C'est même pas encore sur un album, c'est sur iTunes seulement en version numérique. C'est difficile à télécharger, ouais, quand même. Oui, c'est ça, difficile à trouver sur Internet. Ouais. Prochain bloc qu'on va entendre, c'est un simili-bloc 3 quarts, là, parce qu'on saute par-dessus une pièce qui n'est pas une nouvelle entrée. Midi Cayenne Club, on va sauter par-dessus ça tantôt en 16e place. On va entendre, par contre, dans le bloc, Plants and Animals et quoi d'autre? Et Islands, voilà. Mais on débute avec... Marie-Pierre Arthur et ma pièce préférée de l'album qui est Si tu savais. Hey, non, mais on le connaît-tu, hein? On parle mais oui, et c'est vraiment ma préférée. Wow. On est bon. Hey, c'est les palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. Eh oui. Se regarder toute la journée, rien à faire d'autre qu'à s'aimer. Mon amour, endormi à moitié réveillé, de peur de trop nous manquer. Mon amour, manipuler la réalité pour mieux continuer de rêver. Mon amour, ne plus jamais se quitter, ça ne pouvait pas durer. J'aurais mieux fait de m'écouter, mais j'ai eu peur de m'avouer la vérité. Mon amour, c'est plus la peine, plus la peine. J'ai préféré me défiler. Mon amour, j'ai menti, je peux pas tout abandonner. À quoi ressemblerait ma vie si parce que je t'aime, j'oubliais tout ce que je suis. Pour toi, j'aurais voulu changer. J'ai menti, je peux pas tout abandonner. Numéro 17. Nouvelle entrée. Driving me insane, and this time we are together, yeah. It's desperation for everybody, yeah. It's wishful thinking for the whole human race or whoever. Numéro 16, nouvelle entrée. Nouvelle entrée d'information Islands, c'est This Is Not a Song, position numéro 16 anglophone. On est sauté, on est passé par-dessus la 16e francophone qui aurait été Mehdi Cayenne Club avec Au Canada. Oui, oui, c'est comme ça. On a entendu les positions numéro 17 aussi. Plants and Animals avec Light Show sur l'album The End of That, deuxième extrait. Et Marie-Pierre Arthur avec la pièce Si tu savais. Eh oui, ça nous fait combien de nouvelles entrées, ça, là? C'est quoi, 9? Un maudit paquet. C'est 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, 9. 9. On n'est pas pire, on a pris juste 40 minutes pour le faire, donc ça a bien du sens. Hein? On va pouvoir continuer avec d'autres affaires. Je pense qu'on devrait se faire un petit bloc 3 quarts. Drette là comme ça pour réussir à entrer dans notre temps et accueillir DJ Catardi plus tard dans l'émission, c'est-à-dire qu'on va sauter par-dessus Salomé Leclerc. Hein? On va entendre du côté anglophone la 15e position Library Voices et Traveler's Digest. Suivront les 14e places Revolver et les Delaware Chuck. Avec la pièce Facebook. Oh oui, j'aime. Comme je m'en rappelle plus. Ben, t'entendras ça tantôt. Vous êtes au palmarès, c'est fou. Hey, oh, wow, hey, oh. Some French kiss sacred sand. Look out at the Pacific girls. Now they toy with them. A little surfer girl. Forgotten names in the games we play. The love we make. To get some local color, buy some local art. Your backstory like you've always played the part. Running over lines like you're speaking from the heart. To get some local color, buy some local art. Bring your backstory like you've always played the part. Running over lines like you're speaking from the heart. Buying one meal a day. I sleep just enough to soothe my aches. Yeah, I'd sell my soul for an ounce of shade. Sitting thinking about the future, just like saying prayers at your own way. The debts we paid, I've already your backstory like you've always played the part. You're running over lines like you're speaking from the heart. To get some local color, buy some local art. In your backstory like you've always played the part. You're running over lines like you're speaking from the heart. Je suis accompagné pour faire de l'ouvrage. Je suis numéro 14. Revolver avec Winsong au Palmarès C'est fou. C'était la position numéro 14 stable sur l'album Let Go. Avant, on a entendu du côté francophone les Delaware Chuck avec Facebook qui monte d'une place. Et avant ça, on a débuté avec Library Voices et Traveler's Digest qui descend de 6 places. Oui, est-ce que t'as fini ta bouchée? Oui, ça va, j'ai fini ma bouchée de pomme. Okay, yeah! Donc, au Palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Des fois, on n'est plus certain à quel moment on revient en onde entre deux pièces. Jasmine qui mange des fruits. Oui, ben une chance qu'il est santé. Une bouchée de banane ou de pomme là, dans la bouche. Est-ce que tu manges toujours des... là, tu viens de répondre en disant banane, mais est-ce que tu manges seulement des fruits rouges ces temps-ci, étant donné la... Eh bien là, je me suis acheté un 8 livres d'orange chez Super C, puis je suis quasiment passé au travers. Fait que je suis comme dans les fleurs... Automnal. Voilà. C'est ça. On va continuer avec les positions numéro 13. Tiens, du côté anglophone, ce sera Trust avec Dressed for Space qui était une nouvelle entrée la semaine passée mais qui monte de 7 places. Et du côté francophone, ce sera Sago avec une vieille taupe. Une vieille taupe? Une vieille taupe. Qu'est-ce que ça fait comme bruit, une taupe? C'est un rongeur, on va faire quelque chose comme ça. Là. C'est comme toi quand tu manges une pomme, finalement. Une vieille taupe. Il travaillait dans une mine, mais pas une mine de crayon. Une mine sale mine, une mine de ferraille. Pour manger le bourguignon, Avec la pièce Dressed for Space, position numéro 13 qui monte de 7 places. Et la 13e position francophone était Sago avec une vieille tombe. Une vieille taupe. Elle est encore en vie, la taupe, même si c'est vieille. Puis elle est en 13e place la semaine passée. Quelle imitation parfaite. C'est la fin de la première heure. On se retrouve tantôt avec les Breastfeeders, Band of Skulls, The Jezebels, Audionaut et Winter Myths. Et aussi, DJ Cathardy. Ça s'en vient? Oui. Sûrement avec bientôt. Sa chronique. Drop the bass. Drop the bass, yo. Yo. Yo. What? Okay. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Deuxième heure des Palmarès assez fou pour la semaine du 26 mars au 1er avril 2012. Elle, c'est Jasmine Raymond Drinville. Lui, c'est Mathieu Plante. Puis lui, c'est Mathieu Bien. Ben oui. C'est ça, ben oui, t'as raison. C'est ça. C'est ça, c'est plate, mais c'est de même. C'est sûr. Ben là, on pourrait avoir deux filles qui animent. Faut pas avoir deux gars non plus. Non, c'est ça, sauf le matin et le midi. Ouais. Et souvent, finalement. C'est bon. Mais vous avez toujours des amis le matin. Des petits amis. C'est ouais. ça qui fait que c'est le fun. Alors, on va commencer cette deuxième heure avec un bloc trois quarts. On va sauter par-dessus Funambule avec l'entre des Indécis en 11e place. Par contre, on va entendre là-dedans de Jezebels et Band of Skulls. On va débuter en 12e place francophone. Avec les Breastfeeders et la pièce Poupée à dormir debout. Est-ce que je rends ça trop compliqué, peut-être? Mais ça va super bien. Good! Ah ouais! Takes care of his own.

different sound, fell into silence. Turn it up, wanna see you coming home in my life. In my dreams, I've been a stranger. Jezebels et Tricolor stable en position numéro 11 anglophone. Et du côté francophone, la 11e position est Funambule avec L'Entre des Indécis. On l'a pas entendu, malheureusement. Non, mais c'est non. Ça. On a passé par-dessus. On a entendu par contre les 12e places en anglophone, c'est Band of Scars avec The Devil Takes Care of His Own qui descend malheureusement de 9 places. Mais ce qu'on a entendu du côté francophone, c'est les Breastfeeders avec Poupée à dormir debout. Ben oui, je viens de réaliser que j'ai dit deux fois le mot malheureusement. Je trouve que j'abuse du mot malheureusement. Quand même. Est-ce que je devrais trouver un synonyme à ça? Malencontreusement? Ça recommence pas mal pareil par contre. Hein? Mais c'est pas grave. Ouais, pas grave. Ouais. C'est plus varié. Ouais. Donc, on est rendu au position numéro 10. Ça veut dire qu'on passe à la deuxième moitié de notre palmarès. Du côté anglophone, ça monte de 7 places. C'était nouveau la semaine passée. Duchesses avec S.O.H. Mais juste avant, on pourra entendre Audionaut avec Sur les ondes qui descend de 2 places. Moi, j'aimerais vraiment ça, entendre ça. Mais ça tombe bien. Comment ça? Parce que c'est ce que tu vas faire jouer à l'instant. À quelle émission? Les palmarès, c'est fou. Wow. Ouais. Hey, hein? Ça avait l'air scripté, ça. Je suis tellement alerte. Ouais, bravo. Quand je mange pas de pommes. Sous-titrage Société Radio-Canada. numéro 10. Excellente pièce de Dutch 16 au palmarès. C'est fou que j'adore donc cette pièce SOH sur l'album In a Funk Day Tea, position numéro 10 qui monte de 7 places. In a Funk Day Tea. In a Funk Day Tea. Et nous avons entendu la 10e place du côté francophone, Audionaut avec Sur les ondes. Ok, oui. Comme dans Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Hey, c'est aussi recherché que dire C'est fou, c'est comme fou. Dans C'est fou. C'est ça. Ouais. Hey, on a fait un bloc de seulement 2 pièces, ce qu'on fait de moins en moins fréquemment ici au Palmarès C'est fou. Pourquoi? Parce que le prochain bloc va être très long, composé de longues pièces, mais de très, très, très bonnes pièces. C'est-à-dire du côté anglophone, The Bar Brothers et Beggar in the Morning qui montent d'une place. Et du côté francophone, Winter Myths avec Le Paradis qui descend déjà de cette place. Ah, le paradis par en haut, là. Ce qu'ils disent, en tout cas. Ils vont remonter, j'ai espoir. Oui, oui. Par le numéro 1, peut-être. Est-ce qu'il pourrait aller au-delà du numéro 1, comme dans Au-delà de ce monde? Et... Je pense pas. Non. C'est trop ésotérique. Pouf, je pète ta ballon. Ouais. Pouf. Non. Rabat-joie. Je sais. Chaque fois que j'entends rabat-joie, ça me fait penser à abat-jour, parenthèse. Là. C'est ça. Tranche de vie, hein? the outskirts of this town. Been terrorized by what I found. I saw a standing virgin bride, but holy dying Isis died. She tore the heart out of his side and laid it there as she cried. Poisons me as we poisons you. Into these animals we grew. When we were young, our eyes were blue. Twice a day, believe in me. Keeps the devil from my door. And it makes me rich and it makes me poor. I'm a beggar in the morning. I'm a king at night. My belt is loose, my trigger is tight. And they come without warning. At the speed of light, make it shine so pretty, make it shine so Beggar in the Morning par The Bar Brothers, position numéro 9 qui monte d'une place. Juste avant, on a entendu Winter Myths avec Le Paradis. Oui. Oui. Oui. C'est ce qu'on a entendu. C'est tout à fait vrai. J'aime ça, c'est la première fois que j'entendais. Oui, tu l'aimais, hein? J'aime bien ça. C'est très bon. Oui. On va faire un autre bloc de quatre positions, deux positions en même temps, mais quatre pièces. Donc, il y aura là-dedans Les Revenants, Charlie Winston et Rocco Cold, mais on débute en huitième franco. Avec Mauve et la pièce Chérie, écoute-moi. Oui, on les aime, Mauve. Beaucoup. Ils sont tellement beaux. Oui, j'écoutais ça justement cet après-midi. Donc, quel super badon. Dans ta voiture ou dans... Dans mon iPhone de riche, dans l'autobus. Ton iPhone de riche. Ouais. Oui, c'est ça. Là-haut, c'est tout ça, les blagues c'est ça. De... Blagues de... C'est ça. Moi, t'es riche. Dans la lueur de l'oasis blanc, j'ai senti tes flancs qui s'embrasaient.

Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans. Trombones carrying me home to say hello, hello. Le très talentueux Charlie Winston et sa non moins bonne pièce et excellente Hello Alone. C'est la position numéro 7 du côté anglophone et ça monte de la 12e place. La 7e position francophone, c'est Les Revenants avec Beau Danseur qui monte de 10 places. Oui, tout à l'heure, on entendra Galaxy et The Ketamines, mais avant ça, on va voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Parce que les palmarès, c'est fou, tu me diras si tu le sais déjà, là, mais c'est plus que seulement un top 20 franco et un top 20 anglo. Je sais que c'est un mythe qui court les rumeurs à travers les. Dis-moi pas ça. Les Facebook. Tabarouette. Ben, je te jure. C'est aussi un top 30 album, un top 3 des disques canadiens, un top 10 électronique et un top 10 loud. On va commencer par le top 30. Oui, on aime le mot loud. nouvelles entrées en position 20 du côté du top 30 des albums, c'est Zeus avec Bursting Visions. Et en 19e place, on trouve Kesavian avec Velociraptor. On a entendu ces deux groupes-là au tout début de l'émission, tout à l'heure. Pour ce qui est des trois premières positions, la troisième, c'est Grimes avec Visions. La deuxième, c'est The Whale avec Little Mountain. Et la première, Half Moon Run avec White Dark Eyes. Oui, dans le top 3 des disques canadiens maintenant. En troisième, c'est aussi Grimes avec Visions. En deuxième, c'est aussi Set the Whale avec Little Mountain. Et en première, c'est aussi Half Moon Run avec Dark Eyes. On s'entend pour dire que le top 3 du top 30 des albums est complètement canadien. C'est quand même quelque chose. Super! Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Côté électronique maintenant, je vais m'en occuper. Il n'y a pas de nouvelles entrées. Par contre, dans le top 3, on retrouve Tout Stable. Troisième, Tim Over avec More Napkins Remixes. Parlant de Napkin, la deuxième position, c'est DJ Food avec The Search Engine. Je sais pas s'il y a un thème là-dedans. Et première place, ça me rend heureux de manger, c'est Hippa. C'est comme la pied à l'envers. Avec 81. Et du côté du top 10, Loud. Je suis pas capable. Non, loud. C'est dur. Je suis pas capable. Ça me rend à la gorge. Donc, vas-y donc, le top 10. OK. Non, mais c'est juste ça que je voulais faire. Donc, on a une nouvelle entrée en 10e position qui est 3 Inches of Blood. 3 pouces de sang. Hein? Avec l'album Long Live Heavy Metal. 3 pouces de sang. Ouais, c'est ça. Ouais. La 3e place, Christian Mistress avec Possession. La 2e, Nephilim avec Coils of Entropy. Et la première, Cannibal Corpse avec Torture. Cannibal Corpse. D'habitude, je suis capable, mais là, aujourd'hui, j'ai une petite voix. Non, t'as une voix en forme, t'as une voix qui te va bien comparée à d'autres fois où on t'entend. Comparée à d'autres semaines, là. Non, mais. Non, je l'écoutais, j'arrête pas de dormir ces temps-ci. C'est fantastique. Tant mieux, parlant que tu peux, là, parce que la grève, c'était pas très, très dormant, ça. Hein? Mais c'était ô combien enrichissant. Oh que oui! Ouais. Donc voilà pour ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. On va retrouver nos deux top 20 maintenant. On est rendu au 6e place. Du côté anglophone, c'est The Ketamines avec Teenage Rebellion Time qui monte de la 13e place. Mais juste avant, on entendra Galaxy avec Entre la lumière et le bruit qui monte de 5 places. C'est un condensé de la meilleure musique que Sifu a à vous offrir. Et ça, on appelle ça... Palmarès. Ouais. C'est ça. Une chance que t'es là, Jasmine. Mais ça. Je suis entre la lumière. 6. Est-ce que c'était celle-là que t'aimais? Est-ce que tu t'en rappelles? Là? Non? Non, c'est pas moi, c'est toi qui aimais aller, là. Trop de filles! Trop de filles! Ouais, bon. Teenage Rebellion Time par The Ketamines, position numéro 6, qui monte de la 13e place. Du côté francophone, on avait Galaxy avec Entre la lumière et le bruit, qui monte de 5 places. On revient tantôt avec une troisième et dernière heure. On va avoir là-dedans la musique dont on a créé un monstre, Topanga, Foxy Shazam, et aussi la chronique de DJ Canardi et les meilleurs moments d'assemblage requis. Tout ça en une heure. Comment va-t-on faire? On va y arriver. Ah! Marche. Automatique. Oh! Ramdam, toi! Référence à Ramdam. On se rappelait nos bons souvenirs de Ramdam et de... Quelle autre série? De Grassi. J'étais vraiment une fan inconditionnelle de ces deux séries. Est-ce qu'on chante la chanson tantôt, Armana? La vieille, là? Ouais. Ah, parfait. On la retrouve. Okay. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89. Oh. Troisième heure des palmarès, c'est fou pour la semaine du 26 mars au 1er avril 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, Jasmine Raymond-Drainville. On accueille DJ Catardi. Bon, bonjour. Bon matin, Mathieu. Bon matin, oui, c'est salut, ça. Jasmine, ça va bien? Oui, super. Oui. Yes, top form. Top form. Top form. C'est super, c'est shape it up. Hey, on parlait de Grassi tantôt, on avait envie de chanter tous ensemble. Didjet, tu vas pouvoir nous aider si jamais tu te rappelles la chanson juste en l'entendant. Du tout, en fait. Non? Pas fan. J'aimerais mieux que tu la fasses jouer qu'on la chante, honnêtement. Ah, okay. Oh, tu l'as? Hey, j'avais cliqué sur français. En français, t'es tellement meilleur que j'avais ça, je suis vraiment déçu. J'avais vraiment cliqué sur français. Ah, ben ça, c'est plat, par exemple. Ah, tiens, lève-le. Attends, ah, ça sent bien. Raté, malaise. J'ai déjà chanté Barbies une fois, là, c'est assez. Deux fois. Est-ce que tu me niaises? C'est pas l'intro de. Ah! Ok, non. Tu scrapes mes souvenirs d'enfance pour elle, là. On va écouter du Brûl de On a créé un monstre, on a écouté après. Ouais. On va trouver meilleur. Parfait. Ouais. Malaise! Ah, oh, c'est délicieux comme malaise. Oh, je le savoure encore. Mais tu fais exprès, c'est pas tant les malaises. Tu fais exprès pour les deux. Okay, bon. En tout cas, je suis pas celui qui parle par-dessus le début de la chanson. Fait que... Pour terminer ce soir de mai, un courant d'air siffle en traversant l'appartement. Pendant qu'un feu ravage le balcon d'à côté, un air de ronde dedans alimente le tourment. Brûle, brûle, brûle, la flamme brûle. J'ai mis de l'essence sur la planche. Le salon devient une piste de danse. Les chants sortent de partout. On s'éloigne lentement du toit comme des lucioles ou déçues d'un chant. Il faudrait sûrement que je pense à descendre, mais la pesanteur me retient sur le divan. Un délire franchit le périmètre, je ne frissonne pas. Soufflant maintenant, je suis lucide. Hey, c'est plate aujourd'hui de vous faire ça, mais j'aurais pas de revenir à l'improviste et sans trop l'avertir puis pas préparer mes affaires. T'sais. C'est DJ Catardi, elle arrive puis elle fout la merde. C'est de même, c'est de même. Mais c'est ça que je disais, on dirait que je te trouble. Ouais. T'es troublant. T'es déstabilisé, hein? Comment tu veux faire une émission, tu sais, si t'es là? Hein? Ça, là, c'est pas méchant, c'est une blague. Elle va sortir d'un peu, là. Je peux-tu brailler okay. En onde? Ben, je pense que ça ferait monter le code d'écoute. Tu sais, brailler à TVA, ça marche bien, gros. Ah oui, bye, bye, bye, bye. L'hélicoptère va arriver puis tout, là. C'est sûr. Snyder? Julie Snyder. Ah, la belle Julie Snyder. La plus grande braillarde qu'il n'y a pas en nombre. This is WQRX. That was a new hit, but really? Foxy Shazam et Holy Touch, position numéro 5, c'est stable. Hit me with your holy hand. Touche-moi avec... Frappe-moi avec ta touche à sacré. Il dit pas heal me, genre hit comme me, dans... Moi, j'entends hit me, mais... Moi, j'entends heal comme dans, tu sais, réchauffer. Soit, c'est ça. Moi, je pense que c'est plus ça, là, sinon c'est vraiment c'est bizarre. Moi, j'entends heal comme dans... Un talon. Guérir. C'est, oh, ça doit bien. T'as raison, c'est heal me. C'est heal. Mais c'est comme genre guéris-moi, si on veut. Guéris-moi. Bon. C'est pas clair, on va les appeler pour leur dire de prononcer mieux. Hein? Mm-hmm. Je pense qu'il y a un point, faudrait. Mais là, hit. Mais là, tu sais, hit. C'est super violent. En tout cas, juste avant ça, on entend ton écrit un monde. Ouais. Comment? Cacophonie de terre, hein? Vas-y, continue, puis je vais continuer après. Digit? La toune à Chris Brown. Oh! Rihanna. Non, mais là, attends un peu, là. Wow! Référence à Rihanna. Hey! Hey, hey! Elle fait exprès, hein? Je vais continuer, hein? Oui, vas-y. Je pense. Juste avant ça, on a entendu « On a créé un monstre avec la pièce brûle qui est stable en 5e position. Mm-hmm. » On va l'entendre les 4e positions. Du côté francophone, on va entendre David Giguère avec « Encore qui est stable » et suivra la position numéro 4 anglophone. Tu sais que j'aime ça prononcer des noms de pièces en des anglais. Fois. C'est ça donc que... Topanga avec Fogo Island. Tu vois, c'était pas si pire. Pas si pire. Faut juste te donner la chance, puis tu réussis avec brio toujours. Ah, merci. Tu l'as l'affaire, toi. Mm. Ouais, tu l'as, là. Change pas, t'es super, hein. Ah, Colin, ouais. Les compliments de partout. Ouais, on a pas dit qu'on pleurait tous ensemble, peut-être, pour faire un genre de gros monster hit ratings. Gardons-nous une petite gêne. Ouais. Mm. Ouais. Et passons à la prochaine. T'es plate. C'est ça. T'es plate! Va-t'en! Un jour, on va finir par s'en aller, t'as l'air juste s'en aller. Ouais. Elle est née entre l'été et l'automne. Prison de mœurs et des amours, téléphone. Et puis elle joue, et puis me déjoue, et à son jeu j'ai tout perdu. Mais moi je m'en fous car sous sa robe se cache une issue. Alors je prendrai mon temps, encore du temps. Je regarderai dehors, voir si ça se peut encore. Passer sa vie à se courber le dos dans les jardins de nos ébats. Y a un secret, en fait le tien, auquel tu tiens bien plus que moi. Et tes amants qui par milliers viennent déterrer ce que j'ai trouvé. Aller creuser, aller crever dans les sentiers de sa beauté. Alors je prendrai mon temps, encore du temps. Je regarderai dehors, voir si ça se peut encore. Topanga et Fogo Island, ça monte de 3 places en 4e anglophone. Juste avant, du côté francophone, on avait David Giguère avec Encore, qui est stable en 4e position. Mm-hmm. Plus tard, on entendra Ariane Moffat et Grimes, mais avant ça, Drop the Bass! Quand elle me regarde comme OK, bizarre l'intro, comme quoi? Non, je te regarde comme c'est ça. J'attends un peu que le beat commence, histoire qu'on puisse apprécier le beat. Puis c'est maintenant l'heure de ma chronique Drop the Bass. Oui. Donc aujourd'hui, c'est une émission toute spéciale. J'ai été peut-être un peu fort les autres semaines. Je suis rentrée dedans avec du gros house, du gros électro, du gros dubstep. On t'en veut pas du tout, non? Mais aujourd'hui, je tempère mes ardeurs et je retombe dans un style un peu plus indie, électro, pop, musique électronique de chambre. Oh. Oui, de chambre. Et d'habitude, quand on dit qu'une musique est de chambre, ça a une connotation assez endormante. Mais pas celle-ci. Celle-là, c'est vraiment plus pour vraiment là, vos moments d'intimité. Oh, du boom, chicka-pow, wow! Shenanigans de fin de soirée, vos activités nocturnes partagées ou pas. Tu sais, c'est pour les matins de fin de semaine. Uh-huh. C'est vraiment là, spécialement adapté aux nuits interminables puis aux... On prend-tu un dernier verre chez nous? OK. Fait que c'est ça. C'est sexy time pas mal. Un petit peu plus sexy time que les autres semaines. Fait qu'on va commencer avec Friendly Fires, Hurting, et c'est le remix de Ten Snake. Là? T'es prêt, Matt? Drop the bass. Drop the bass. Oh, yeah. I hear you say that I can't. Donc, c'était Friendly Fires Hurting, Ten Snake Remix. La prochaine sera Fur Coat et Kerry Golden, You and I. Mais j'aimerais vous rappeler que vous n'avez pas besoin de tout rappeler, vous rappeler de ça. Si vous voulez vraiment juste avoir le lien de téléchargement, super facile, vous allez sur ma... sur mon blog musical qui est djetcatardy.com, djetcatardy.com. Super facile, ça se prononce comme ça s'écrit. Et la prochaine, Furcoat et Kerry Golden, sera suivie de Tiesto feat K, Work Hard, Play Hard, le Nick Rowan remix. Ça bouge un peu plus que les deux premières et c'est bon. On en veut encore et encore. Donc, on y va pour You and I. Et c'est dans la carrière Drop the Bass avec DJ Catardi sur les palmarès, c'est fou. Drop the Bass. Drop it good. I am so quick, glossy. You make me slow down. But too much of you, babe, and I'm laid out on the ground. You are a lethal little bitch, but I love you. You and I, we alike. Cocaine kept me. Cocaine kept me alive, real life. Cocaine kept me, cocaine kept me. You high. somebody, cut me some slack. I've been working damn hard, breaking my back. Monday to Friday, running late nights. Call me workaholic, cause baby I am on it. I own this shit all week, this beat's for all my freaks. We're running on no sleep, so line the shots up because this party's jumping. We turn the volume up and don't stop till we get enough. Get enough time to lose my mind. You walk like gorilla, we be raising the dead like Michael Jackson thriller. Don't step to me now because it gets no iller. Call me a bonnet, cause baby I am on it. Drinking gin and tonic, I know that you want this. Can you somebody cut me some slack? I've been working damn hard, breaking my back. Monday to Friday, running late nights. Call me workaholic, cause baby I am on it. I own this shit all week, this beat's for all my freaks. We're running on no sleep, so line the shots up because this party's jumping. We turn the volume up and don't stop till we get enough. Get enough time to lose my mind. Cause I work damn hard, so I'll play damn hard. Lost in the night. Cause I work damn hard, so I'll play damn hard. Donc, c'est ce qui conclut ma chronique Drop the Bass. Les deux premières chansons étaient plutôt relax. La dernière nous a sorti de notre zone de confort parce qu'on sait bien que c'est ce que j'aime faire, vous sortir de votre zone de confort. Tu nous surprends à chaque fois. Oui. Bon, je l'avoue, il y avait peut-être un peu de difficulté dans la transition entre les deux chansons, mais... Sans pour dire que j'ai mal mixé ça. Non, je dis pas ça. Je dis surtout que c'était un petit peu... Deux styles différents. Ouais, c'est ça. Ça dépend de ce que tu fais dans ton bedroom. C'est ça. Tu disais tantôt, c'est de la musique de bedroom. Ouais, c'est ça. Ça durera pas bien longtemps si tu vas à ce rythme-là. Hein. C'est ça, Matt. Mais sauf que il y en a pour tous les goûts. Voilà. C'est ça. Bref. Mais tu sais, work hard, play hard. Quand on était petit, on jouait à certaines choses. Maintenant, on joue à d'autres choses. Puis c'est correct. Ouais. Jouer au docteur. C'est cela. C'est ça. Donc, c'est ce qui termine aujourd'hui ma chronique Drop the Bass. La semaine prochaine, on va peut-être vous revenir avec quelque chose de plus chaud, plus tropical, plus printanier. Oh, caliente! J'en dis pas plus. OK, j'aime ça. Et sur ce, on a terminé avec Tiesto, Work Hard, Play Hard, Nick Rowan Remix. Toutes les chansons qui ont été jouées dans les dernières minutes sont trouvables sur mon site djetcatardi.com en téléchargement libre. Je dis bien libre parce que c'est à vous qu'il revient d'acheter les albums, les droits des chansons en question, mais vous pouvez quand même les télécharger gratuitement sur mon blog. D'accord. djetcatardi.com, Drop the Bass. C'est noté. C'est conclu, c'est terminé, 16h40. Ouais. On continue avec Mathieu. Oui, et Jasmine, hein? Mais oui. T'es là, toi? Mais oui. Allô? Toujours là. Salut. Hey, on est rendu dans le top 3. Wouhou! Hein? On y va avec les positions numéro 3 directement. Du côté anglophone, ce sera Grimes avec Oblivion. J'ai entendu dire que Kat, tu commençais à entendre un petit peu de Grimes, des choses là-dessus. C'est comme la grosse affaire, Grimes. Hein? Ben, c'est ça. Là, elle a beaucoup de presse en ce moment. Elle a beaucoup, beaucoup de publicité un peu partout. J'ai pensé la mettre dans ma chronique, mais je savais que vous alliez la jouer. Donc, je me suis retenue. Tu as un très bel accent, ça. You know, I like that. I like that French-English accent that pretends not to be French, but is really English. Englishman, like a sir. Yes, sir. You got it, dude. You got it, dude. Attaboy! On commence en francophone, par contre. Donc, pas de changement au niveau de la troisième position. C'est toujours Ariane Moffat avec Mon corps, tiré de son dernier album, Ma. Yeah! Drop the body. Hein? Mon corps. Drop the body. Ça veut rien dire. Quoi faire avec mon corps, le coucher tôt, le lever tard, lui faire le sport. Quoi faire avec mon corps, l'exciter, l'exhiber ou encore lui donner tort. Quoi faire avec mon corps, l'intoxiquer, le purifier ou le peindre en noir. Quoi faire avec mon corps, le faire courir ou méditer, le garder vivant ou lui donner la mort. Je vieillirai avec, que ça me plaise ou non. Il ira où j'irai, à quoi bon le laisser flamber. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89. Oh. Numéro 3. Et Oblivion, position numéro 3. Ça monte de 3 places du côté anglophone. Est-ce que je l'avais dit? Je pense que oui. Oui. Oui. Du côté franco, c'était Ariane Moffat avec Mon Corps, qui reste stable en 3e position. Ouais. Du côté francophone, ça? Oui. Genre langue française, hein? Francophone? Oui, c'est ça. Comme dans du côté francophone. Ouais, oui, francophone. Franco. Ça parle français, c'est comme A-I-O-U-Y. Comme les francopholies. Hein? Comme ouais. La francophone. Tu sais où c'est la francophone? Je sais pas, hein? Je sais que ça existe, je sais pas si où. Il y a France d'amour aussi, Franco d'amour. Tant qu'elle est rendue là, dictée Bernard Pivot. Bernard Pivot. Non, la dictée PGL. Oui. PGL. PGL. C'est qui ce PGL? Paul Gérin Lajoie. C'est ça. J'étais bonne là-dedans. Non, ouais, c'est des liens qui, comme 6 degrés de Kevin Bacon, là, c'est, ça va loin. Hein, c'est... Ouais. Ouais. Deuxième place? Ah, oui, OK. Deuxième place. Oui. Deuxième place tantôt, Fally Bloom et Set the Whale. Mais avant ça, on écoute les meilleurs moments d'assemblage requis. Voici un instant classique. Classic instant classic. Classic instant animal. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 26 mars 2012. Télé, la pièce qui parle de Star Academy. Vous êtes dans une zone à 98% sans Star Academy. Vu qu'on vient de le dire deux fois, là. J'ai vu que tu nous as sorti une pile de disques compacts de morceaux de PlayStick avec des trous dedans. De PlayStick. Est-ce que tu les as brisés? Ils ont tous des trous dedans? Non! Il dit que son but est de rendre la masturbation moins tabou. Et lui, il veut qu'on traite, non seulement il veut enlever le tabou autour de ça, mais il veut qu'on traite ce hobby-là comme un vrai sport. Là, c'est là que l'opinion diverge un petit peu. Diverge! J'ai diverge, François. Il reste une dernière pièce dans ton petit bloc que tu nous as choisi. Un bloc plus mouvementé. Plus mouvementé. Oui, oui, pour les On aurait dit pour la grand-mère, pardon. La pièce Voltage de DJ Cotman. Et là, je le révèle après, juste pour savoir ce que François en pensait. Je suis sûr que si je l'avais dit à François avant la pièce, il aurait aimé la pièce. C'est un remix d'une pièce de Skrillex. Ah, mais non. Ben, non, ça, bon, non. Pas vraiment? Non. Pas tant, mieux, tant qu'à ça, j'aime mieux écouter Skrillex. Bon. Mais ce qui est bon de Skrillex, c'est justement c'est que ça rentre un peu dedans. Fait que toi, t'aimes le fait que Skrillex rentre dedans, mais t'aimes pas quand mon chiptune rentre dedans puis qu'il est plus... Ben, ça rentre pas dedans, ça, là. Non, mais non, ça. Non. Question de goût, hein? Non. C'est juste pas, c'est mauvais, tout le monde dit ça. Mathieu, t'es un cave, un rejet, pis t'es jamais du bon bar, pis... Bon. Ben là, pas tant que ça, là. Juste un petit peu avant ça. Simon Fitzbé va être avec nous à 8h pour sa chronique Phénomène. Aujourd'hui, il nous dévoile son histoire d'amour pour le vinyle. OK, pour le vinyle. Ouais. OK, fantastique. C'est le vinyle. C'est le vinyle. De son vrai nom. Avec Mathieu Plante à l'animation aujourd'hui. Et François-Olivier à la co-animation aujourd'hui. Mais non, on peut rentrer dans mon nom. Moi je t'emmène en entier. OK, comment tu veux que je fasse ça? François-Olivier Marchand! C'est pas pire. Pas pire, ça? Ouais. Encore un peu de pratique, là. Pis... Mathieu Plante! François-Olivier Marchand! Bon, c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent ici à Assemblage Reiki, mais on aime ça quand même. Oui, puis quand on entend, c'est grâce à toi. Donc, félicitations. Ouais, merci. Et deux, faisant plus souvent. OK. Des heures, OK. Parfait. Bon. Mais écoute, tantôt, je vais te faire écouter un autre groupe. Non. Non? Seulement The Killers dorénavant. Bon, OK. The Killers ou rien. Ou rien. Ou je te tue. Le vinyle, les disques vinyles. Que j'adore. Au point de péter les micros dans cette C'est ça. Hey, ça se peut su. Il est tellement contre la nouvelle technologie, lui, qu'il est en train de s'agresser. Ah, je veux rien savoir de ça. Donc, Simon Fitzbé, on te retrouve à ton émission Catalepsie tous les lundis soirs entre 20h et 22h. Ça va être le fun de faire des promos comme ça, hein, même. On pense à vite. On l'arrangera tantôt. Je vais te faire parler le plus longtemps possible. J'ai mal au bras, là. Je reviens sur Nicky Ashton et Paul Dewar, qui sont vraiment deux bêtes sur les banquettes. Il ne pouvait pas parler, donc... Il avait hâte de voir. Il attendait de voir. Mais ils vont voir, de voir. Il va pouvoir gérer les dossiers. Il va pouvoir. L'équipe de Yamaha, travaillant sur la technologie Vocaloid qui permet de créer des chants virtuels, a développé un clavier qui permet de créer des airs sur le volet pour se faire 16 couches. Des airs. La la la, okay. Pour se faire 16 touches situées à la gauche du clavier permettent de gérer les voyelles et les consonnes, alors que la main droite choisit la note. Hey, on a l'extrait du clavier qui remplace les chanteurs. Bon, ouais. Hey, ça sent le succès, là. Hey boy. C'est plate que ça finisse là. Oh, ouais, c'est bien sûr. Facilement les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 26 mars 2012. C'était rempli de bijoux, ça? Savoureux. C'est là. C'est quoi? Fallait écouter la fin des instants classiques, mais tu parlais pendant. Fait. Je parlais pendant? Oui. Tu te rappelles pas, là, de 30 secondes, tu non, parlais? Je te parlais, ouais, c'est ça, c'est OK. Ça. Pour ça, t'as pas compris ce qui est la blague, là. Porte attention. Hein? Non, c'est ça. Bon. Donc, assemblage requis du lundi au jeudi entre 7h et 9h, ici même à C'est fou avec François-Yves Marchand et moi-même, Mathieu Plante. Plus voilà. D'entrain dans vos noms. Mathieu Plante! Voilà. C'est ça. Des vocalises, qu'on appelle ça. Non? Eh oui. Laisse faire. Hi, hein? Ça provoque des réactions ici. On arrive sur la fin de Palmarès. Merci. Il nous reste seulement les positions 2 et 1. On va entendre les deuxièmes tout de suite. Set the Well, ça vient tantôt avec We Are 1980, lancé numéro 1. Mais avant, Fanny Bloom avec Parfait Parfait qui descend d'une place. Parfait. Dommage pour elle. On sait que c'est plus le numéro 1. Oups, hey, on a des nouveaux numéros 1. Mais oui. Je viens de comprendre le principe de comment ça marche. Faudrait inviter Jean-Luc Brassard. Comment ça marche? Ah. Comment c'est fait, je pense. Comment c'est fait? Just the smoothest rock I could find, accompanied by just a couple of words came to mind. It's an old concept, sending letters again, well thought out, rehearsed and written in pen. Paperless here is a thing of the past, cutting down the trees and using our guys. We've got Mandarax, loveless sex, and information passing right through our skinny bones. the lesson known in spite. All the rules of my own that I wake up and strive. Ignore my front, back, ignore my left and my right. It's my morale compass, and it's easy to find. Well thought out, intentionally left behind. It's regrettable, yes, but how could I ever sleep at night? Know what I had rules and know what I had to abide. We've got mandarins, loveless sex, and information passing right through our skinny pores. Lancé numéro 1 anglophone, maintenant en deuxième place, c'est Seth the Whale avec We Are 1980 qui descend, donc ça, ça a deux places. Je répète tout ça ce que je dis deux fois. Mais c'est ouais. Pas grave. Non. Du côté francophone, l'ancien numéro 1, Fanny Bloom avec Parfait Parfait et numéro 2. Et t'es numéro 2, et t'es encore numéro 2. Cool. Tu vois, toi, des fois, t'écoutes pas le contenu que je t'ai produit comme un instant classique. Moi, je m'écoute pas moi-même, fait que je te comprends très bien. Ça. On a comme une complicité comme ça. Ouais. Ouais. Complicité de genre mêlé. C'est ça. C'est ça. Parlant de choses mêlantes, on va essayer de faire des jeux de mots sur les numéros 1. Tu vas essayer de faire des jeux de mots. Et toi, tu vas essayer de les comprendre. Oui, je les comprends toujours. Oui, ah ben c'est pas pire. Ben, on va continuer aussi avec les jokes à Saint-Saëns, parce que maintenant, les jokes à une scène n'existeront plus. Non, c'est vrai. Hey, réaction de joie ici dans le studio, quand j'ai annoncé qu'il n'y aurait plus de sous noirs. Alléluia! Alléluia! Dès le mois prochain... Hey, c'est vite en plus, hein? Dès le mois prochain, il n'y aura plus de production, puis dès l'automne, ils n'en distribueront plus. Génial, on va tous pouvoir se réclamer une scène en se faisant faire des billets. Parce qu'on a plein d'une scène dans le garde-robe, on s'entend. Ouais, c'est sûr. Puis maintenant, quand on va vouloir dire à la serveuse qu'on a eu un bon service, il va falloir qu'on laisse un 5 cents. Ah, minimum, hein? Ouais. Parce que c'était une marque d'affection envers la serveuse de lui laisser une scène pour mauvais service, c'est ça? C'est ça. Ou faites provision. Maintenant, ça va être d'autant plus rare. J'ai jamais fait ça. Non plus. Je trouve ça bête un peu, mais... Ben moi non plus, j'ai jamais fait ça, mais... Je savais pas quoi que ça se faisait non plus. J'ai une chum qui est serveuse qui me l'a rappelé l'autre jour, puis... Je me suis dit qu'il faudrait que je commence cette bonne habitude sur le tard un peu. Hey, le désavantage de la chose, par contre, c'est que maintenant, sûrement que les commerces vont arrondir vers le haut et non pas vers le bas. Ah. Ben là, on va pas broyer pour 4 cents. Non, quand même pas. Quand même pas. On est pas si cheap que ça. Hein? Non. Hey, on disait moment de faire les jeux de mots parce que vous savez, si j'ai un seul talent dans la vie, c'est bien pour faire les jeux de mots. Hein? C'est certainement pas pour avoir du front de toi de la tête, là, front de toi de la tête que je pourrais le couvrir avec un casque, mettons un grand casque. Mm-hmm. Parce que j'ai pas ça, j'ai pas de casque. Toi, t'es comme avec podcast, c'est ça. Je suis comme avec podcast, c'est un peu ce que ça veut dire. Mais heureusement que t'as le front tout autour de la tête parce que t'sais, t'as pas le dos trop large. OK. Est-ce que c'est un compliment, ça? Ben non, t'as le dos large. Non, ça, c'est pas... C'est du sarcasme poussé, là. OK, j'espère. Oui. J'espère. Plusieurs levels de sarcasme. T'as plusieurs couches... Sarcasception. Oui, sarcasme. C'est Inception, comme un rêve dans un rêve. C'est ça. C'est ça. Parce que si tu me dis que j'ai du front tout à la tête, au moins, je n'ai pas qu'un demi-front. Parce que un demi-front, la lune qui reflèterait là-dessus ferait du genre de demi-reflet. Et puis, je me mettrais à courir vers l'autre direction, comme dans Half Moon Run. Le titre de la toune, il est où, lui? Je sais pas. Il était quelque part là-dedans. J'ai essayé de trouver 360 degrés de jeu de mots pour faire un cercle mais complet. Mais comme tout autour de ta tête. Full circle. Oui, ah, ça aurait pu être ça aussi. Ouais. Full circle de Half Moon Run tantôt, mais pour l'instant... Avec tes yeux foncés. Merci. C'est ça. T'es fine? Mais non, mais c'est ça le nom de l'album. Ah, OK, j'avais pas vu. Pour ça. Super. Mm. Ouais. Ça va peut-être moi aussi, puis elle aussi. C'est bien de voir que tu participes dans mes jeux de mots et t'as autant de talent que moi. Ah, je sais. autant de talent que moi. Talent, c'est le nom de la pièce de... avec podcast. Mais tu l'avais déjà dit. Moi, je sais, mais deuxième fois, vaut mieux la chandelle brûle par les deux bouts sur le dos de la cuillère. De main morte. Avec la peau de l'ours plutôt. Avant d'avoir mangé. C'est ça, parfait. C'est ça, exactement. Position. Your hand turns lost again. It seems to be working. Is that the best that I can do? So watch as your head turns full circle. You appear even tougher though you look so deceived. And the sparks are always fine, cause you drink for relief. With the heart of a child and the wit of a fool, it's a wonder why I don't try to build a wall around you. And I watch as your head turns full circle. C'était les premières places des palmarès francophones et anglophones de cette semaine. On va faire un petit récapitulatif de chaque barre avant de dire les numéros 1. Mm-hmm. Du côté anglophone, en troisième place, on trouve Grimes avec Oblivion qui monte de 3. En deuxième, c'est l'ancien numéro 1, We Are 1980 de Seth the Whale. Et en première, c'est un grand bond de 17 places pour une nouvelle entrée de la semaine passée, Half Moon Run avec Full Circle. Du côté francophone, en troisième position, qui restait stable, on avait Ariane Moffat avec Mon Corps. En deuxième, l'ancien numéro 1, Fanny Bloom avec Parfait Parfait. Et en première place, un presque aussi grand bon que du côté anglophone, c'est avec Podcast avec Talent qui monte de 13 places. Voilà pour les palmarès C'est fou de la semaine du 26 mars au 1er avril 2012. Restez sur nos ondes parce qu'on sera de retour évidemment la semaine prochaine entre 14h et 17h le jeudi. Ce qui après nous, c'est La Spirale. On repasse le vendredi à 17h. Après nous, c'est Les Choix de l'Enfer. Et finalement, les lundis entre 13h et 16h. Après nous, c'est les Ladies du Boudoir avec leur musique émergente et leur chronique fascinante. Restez à l'écoute pour ça. Allez voir sur le cif.ca pour la programmation complète et sur assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusion. On remercie DJ Catardi. Ben oui, merci. Ben oui, pour Drop the Bass. Oui. Oui. Merci à toi, Jasmine Raymond-Drainville. Merci à toi, Mathieu Plante. En passant, on te retrouve maintenant les mercredis matins, toujours dans la même case horaire à 7h30 le mercredi pour Assemblage Requis. Maintenant, tu vas faire ta chronique Les Comptines de Jasmine. Le mercredi matin, oui. Ce que tu faisais dans les palmarès, transfère ça au mercredi matin. Oui. Voilà. Voilà. C'est merveilleux, ça. Super. J'ai hâte. Oh. Hey. Moi aussi. On claque des doigts. On fait des bruits de taupe. Wow. Ou de mangeage de pommes, ça se ressemble un petit non, peu. Plus que... Attends, j'ai besoin d'entendre ça comment? Ah, ça... C'est mon bruit de pomme, ça. Ah, ça ressemble à bien des choses. Hein? Ça, c'est un écureuil. Là, c'est la taupe. Ah! Tout mêlé dans mes effets sonores, moi. Ah. Hey, passe donc une belle semaine, toi. Mais toi aussi. Bon, puis bye! Ben, c'est ça. Puis bonne fête de semaine. Mais toi aussi, bye. Va-t'en, donc. Ok, parfait. On n'a pas le choix, l'émission est finie. Ben oui. Au revoir.